Le dernier extrait que j'ai enregistré pour vous est tiré du livre 6 des mémoires de Philippe de Comines. Il présente les derniers moments de Louis XI à Plessis-les-Tours.